Vas-y, bouge tes fesses, chérie, pas de stress. J'sais que t'aimes le sexe, enfile-moi le durex. Ton plaisir va durer comme une raille de cesse. C'est qu'une grosse cochonne, tu mérites qu'on te laisse. J'ai la dalle depuis ma jeunesse. Donne-moi un gros boule, histoire que je renaisse. Y'aura pas de paresse, donne pas mon adresse. Je prends dans ta caisse, une fessée sans caresse. Biatch, bouge ta graisse. Te tire par les tresses, ramène pas ta fraise. Bouge la banane et presse, fais sortir le liquide, t'auras pas d'espèce. Désolé d'être cru, la plupart sont des salopes. Pour une liasse, elle galope. Elle te refait la calotte. On peut te mettre la carotte. Bouge ton body. Bouge ton body. Bouge ton body. Bouge ton body. Bouge ton body. Bouge ton body. Vas-y, bouge ton body. Bouge ton body. Vas-y, bouge ton body. Bouge ton body. Vas-y, bouge ton body. Bouge ton body. Bouge ton body. Bouge ton body. Biatch, bouge ton body. Bouge ton body. Biatch, bouge ton body. Bouge ton body. Biatch, bouge ton body. Bouge ton body. Bouge ton body, biatch, bouge ton body. T'aimes t'agiter, faire bander les bandits. Face à ton talma, je serai pas bandit. Je sens ma bite dans mon casque grandir. Trop chaud de la chica, ambiance LNT. Les couilles sont chargées, ce soir short calibré. Feuille au CV, pilon pure qualité. Pourquoi tester, tu vas te faire allumer. Magnum de champagne posé sur tes œufs. Elle veut sucer, je l'emmènerai pas danser. La tuer sur tempo cadencé. Bien bu, bien fumé, complètement fondé. Après moi tu peux oublier, c'est raté. Je vais te taper toute la nuit, je vais t'érater. Ce soir pour toi je vais quitter le quartier. Tant qu'il y a pillock, pilon, chat écarté. Bouge ton body. Bouge ton body. Bouge ton body. Bouge ton body. Bouge ton body. Bouge ton body, vas-y bouge ton body. Bouge ton body, vas-y bouge ton body. Bouge ton body, vas-y bouge ton body. Bouge ton body, bouge ton body, bouge ton body, bouge ton body, bouge ton body, vas-y bouge ton body, bouge ton body, vas-y bouge ton body, bouge ton body, vas-y bouge ton body, bouge ton body, bouge ton body, bouge ton body, biatch, bouge ton body, bouge ton body, biatch, bouge ton body, bouge ton body, biatch, bouge ton body, bouge ton body, bouge ton body.